fleur. Tu me prends, tu m'accroches à ton cœur. Comme une fleur, tu me cueilles et je verse des pleurs. Comme une fleur, j'étais une enfant à belle éclose. Peu de choses, une rose, on m'arrose et puis je me meurs. Comme une fleur, tu m'as mise au cœur de ton bouquet. Mais d'autres fleurs, en ton jardin déjà t'attendaient. Par le vent, comme une fleur, je veux vivre de nouveaux printemps. Comme une fleur, je me donne au soleil qui m'enlace. Le temps passe, il efface toute trace en mon cœur d'enfant. Comme une fleur, j'ai laissé mon chagrin s'envoler. Comme une fleur, aujourd'hui j'ai envie de danser. Pourquoi, je veux savoir pourquoi toutes les fleurs se fanent pour mourir un jour. Pourquoi, je veux savoir pourquoi il faut qu'une autre femme brise mon cœur.